Capitaine Jackson, moi j'avais dit. Capitaine Jackson, où j'en veux. Jalousie c'est pas bon, les gens aiment trop l'argent. Ma chérie coco, désolé si j'ai pas le temps. La vie c'est long, je sais qu'aujourd'hui c'est demain. Que Dieu nous éloigne de ce qui est mauvais en chemin. On fait ça bien, mais moi j'ai mal au cœur. Nous demande si t'es sincère, courage prends le dessus sur la peur. Chérie coco, faut pas bouder, les vies sont teintées. Moi je fais du papier, beaucoup plus que ton papa. Bébé chou, je sens que t'es pas dans ton assiette. Et on fait tour du monde à deux sans se prendre la tête. Mental de trafiquant, Kinshasa, Abidjan. Méfie-toi des gens, on devient ma bébé pour l'argent. Le pouvoir et l'argent, faut m'aider sous le compte en banque. Si je fais le tour du monde, c'est pour donner vif à maman. Kinshasa, Abidjan, ils savent qu'on a trop d'amour. Le pouvoir et l'argent, jalousie c'est pas bon. Je ressens quand je clique, mon frère t'es le sang, y'a rien qui peut nous détruire. JJB, Mozart Jackson, prie pour moi, c'est hey, mon âge. J'suis trop dans le bon, je mange la vie, je sais pas ce qui m'arrive. Ma chérie, moi t'es bonne, mais beaucoup de pièces, c'est ça qui m'attire. Capitaine Jackson, au Javel, t'as tout capté. Ma chérie, doucement, faut pas, tu vas tout gâter. Bébé chou, je sens que t'es pas dans ton assiette. Et on fait tour du monde à deux sans se prendre la tête. Mental de trafiquant, Kinshasa, Abidjan. Méfie-toi des gens, on devient ma bébé pour l'argent. Le pouvoir et l'argent, faut m'aider sous dans ton compte. Si je fais le tour du monde, c'est pour donner vif à maman. Kinshasa, Abidjan, ils savent qu'on a trop d'amour. Le pouvoir et l'argent, jalousie c'est pas bon. Sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana,